bon moment. La vie moins tournée en cauchemar, moins t'es que préférée partir. Ça veut comme nous qui carrément qu'on innocent. Plusieurs pays, ni des femmes qui maltraitaient.